Harrops Michel Thomas, méthode audio anglais, perfectionnement. Copyright 2007. Contenu Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé. Enregistrement Hodder & Stoughton. Bonjour et bienvenue. Cette méthode a été transcrite des archives d'enregistrement de Michel Thomas. Je suis très heureux de pouvoir vous accompagner de nouveau dans cette méthode qui est la suite, le prolongement de mon cours de base. Cette fois encore, l'apprentissage se fera naturellement. Et je me permets de vous rappeler qu'il est très important de vous détendre et de ne pas essayer de mémoriser ce que vous allez apprendre. La mémorisation ou l'absence de mémorisation des mots est liée à ma méthode d'enseignement et non aux efforts que vous pourriez fournir. Il est essentiel de ne pas aller à l'encontre de ce principe car cela créerait des tensions qui gêneraient le bon déroulement de l'apprentissage. Nous allons maintenant nous intéresser à la structure de la langue, à la grammaire. J'évite en général d'employer le mot « grammaire », mais c'est bien de cela qu'il s'agit. D'ici la fin de ce cours, vous aurez acquis sans aucun effort et en un rien de temps de solides notions de grammaire anglaise. Commençons sans plus attendre. Je n'avais pas le temps de le faire parce que j'étais trop occupé. Je n'avais pas le temps. Avec « avoir », on suit le même principe qu'avec « savoir » et « vouloir » pour exprimer le passé. « I had » Oui, « I had », j'avais, mais... « I don't have »« I didn't have » Yes. « I didn't have the time » Right, « I didn't have the time » Je n'avais pas se dit « I didn't have » comme « je ne savais pas » qui se dit « I didn't know » Et je ne voulais pas, I didn't want. Alors, je n'avais pas le temps. I didn't have the time. De le faire. To do it. Yes, I didn't have the time to do it. Parce que j'étais trop occupé. Because I was... Trop occupé. Too busy. Too busy, yes, very good. I didn't have the time to do it. Je n'avais pas le temps de le faire. I didn't have the time to do it because I was too busy. Alors, comment dit-on, si nous avions le temps, nous le ferions? If we had the time. Yes, if we had the time, nous le ferions. We would do it. Very good. We would do it. Alors, encore une fois, si nous avions le temps, nous le ferions. If we had the time. We le ferions. Would do it. Right. If we had the time, we would do it. If we had the time, we would do it. Il l'achèterait s'il avait l'argent. He would buy it. Yes. He would buy it. S'il avait l'argent. If he had the money. Right. Right. He would buy it if he had the money. S'il avait assez d'argent, assez se dit enough. Assez d'argent, enough money. Enough s'écrit E-N-O-U-G-H. Enough. Enough. Once more. Enough. Enough. Alors, il l'achèterait s'il avait assez d'argent. He would buy it. Yes. He would buy it s'il avait assez d'argent. If he had enough money. Right. He would buy it if he had enough money. J'irai le voir avec vous si j'avais le temps. I would... J'irai... Go. I would go le voir, c'est-à-dire voir ça. To see him. Le voir. Oh non, to see it. Okay, once more. To see it. Yes. Once more, j'irai le voir avec vous ce soir. I would go to see it tonight. Avec vous? With you. Yes. Once more, j'irai le voir avec vous ce soir. I would go to see it tonight with you. Yes, I would go to see it with you tonight, si j'avais le temps. If I had the time. Yes, if I had the time. Mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Malheureusement se dit Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately? Yes, unfortunately. Donc, fortunately veut dire heureusement. Unfortunately, malheureusement. Unfortunately. Comment dit-on alors? Mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. But unfortunately... Je n'ai pas... I don't have enough time. Right, enough time. Assez de temps. But unfortunately, I don't have enough time.